panne. Sans toi décoller, j'arrive pas. J'ai déconné, mais aujourd'hui, moi j'ai grandi. Quand tu me regardes, j'suis fan. J'suis prêt à traverser les flammes. Pour toi, moi je laisse ma vie de bandit. T'inquiète pas si tu m'attends. Rien ne sera plus comme avant. Pas si tu...